une lame maîtresse de ressort cassée chez un camion lourd, c'est grave. Il faut la changer, il faut faire attention par la suite, et on en casse beaucoup, même en faisant attention. Les autos qui roulent dans le désert, ce sont les jeeps et il n'y a pas d'autres voitures employées? Oh, il y a une infinité de marques de voitures employées. Comme auto légère, il y a les jeeps Land Rover, les jeeps américaines, les jeeps Willys. Il y a des, ouais, maintenant pas mal de Savane, les Savane de Renault, les Savane de Pont. Il y a des deux chevaux. La deux chevaux commence à pénétrer pas mal dans le désert. Le seul inconvénient qu'elle est, c'est que ses pneus ont une toile trop fine et les silex, les pierres de la route, le transpercent très facilement. Maintenant aussi, une deux chevaux ne peut pas supporter plus de deux voyageurs avec leur bagage. Il y a des côtes dans la montagne du Hogar, là c'est crème, qui sont plus de 15%. La deux chevaux ne peut monter qu'en la débarrassant de ses bagages. Et même le chauffeur est obligé de descendre, de tenir le volant à la main et de tirer l'accélérateur avec une ficelle. Et de la pousser. Comme ça, il arrive à grimper. Mais les camions passent par cette route-là? Ah non, pas tous les camions. Ah non. Oui, ça n'est pas une route, c'est une, route, une route touristique. Ah oui. Les pistes des camions, en général, ne sont pas si dures. Maintenant, comme camion, il y a des Renault, il y a des Panhard, des Berliers. J'ai eu des pannes dans des convois automobiles. Mais, en général, les chauffeurs de camions s'en sortent toujours parce qu'ils sont très astucieux, très adroits. Le plus difficile pour un camion, c'est surtout de s'en sabler. On met une tôle de fer sous les roues de pneus, on déblaye le sable du pneu, on met une tôle de fer et le camion redémarre pour s'en sabler un peu plus loin si le terrain est encore sableux. Mm-hmm. C'est un travail physique qui est pénible. Et il y a du terrain où il y a les pics qui ressortent. Comment vous faites pour arriver à rouler des fois qu'il n'y a pas de route? Ah, en général, le camion roule. La pirail. Le camion roule sur une piste. Les pistes sont reconnues depuis longtemps et sont toujours accessibles aux camions. Un camion ne va pas s'aventurer dans un terrain qui sera difficile parce qu'il arrivera à être coincé entre deux montagnes. Il faudra qu'il fasse machine arrière et qu'il retrouve quand même un chemin. Ce sont des routes, ce sont des endroits de passage, mais alors ils ne sont pas bitumés, mais tout le monde passe au même endroit quand même. Oui. Ce n'est pas le désert plat où chacun, l'un passe ici, puis l'autre à droite, puis l'autre à gauche. Il y a certains espaces où la piste est très abîmée. La piste officiellement tracée est très abîmée. Les chauffeurs connaissant le terrain se permettent de s'écarter de la piste jusqu'à 15 et 20 km. Oui, mais c'est vrai qu'ils connaissent quand même. Ils connaissent davantage le terrain. Il ne faut pas faire comme le terrain est généralement plat et ils rejoignent la piste un peu plus comme loin. Comme ça t'est marqué sur le journal de deux touristes anglais qui venaient de je ne sais où et qu'ils ont cru prendre couper à travers une piste et ils sont en réalité perdus. Cela ignorait complètement le pays et le terrain. Ridicule, et ensuite, on fait toutes les imprudences possibles et imaginables. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de vivres. Et ils étaient avec un transporteur, ils n'ont pas suivi le code qu'on respecte, à savoir se garder à vue, à une distance visible, ne pas s'égarer l'un de l'autre, se suivre, s'attendre. Eux étaient partis à l'avant, et le transporteur est resté sans pouvoir les joindre derrière. Certains commerçants indigènes sédentaires de Tamanrasset ou d'autres oasis possèdent leur camion. Mais le chameau, qui est un dromadaire d'ailleurs, reste le vaisseau du désert et des chansons targhies vantent ses exploits. Quittons l'école de plein air de Chanteloup où a été effectuée l'interview et transportons-nous à Tamanrasset. Monsieur Gast a enregistré dans des conditions techniques difficiles, vous l'imaginez, Brahim Ben Haymouda, âgé de 11 ans, qui chante une de ses chansons de chameau. Je vais vous raconter une histoire d'un chameau qui est venu d'une caravane qui est presque morte. Trois chameaux sont venus en faisant la course. C'est lui qui a gagné la course. Pendant ce temps-là, ils ont appelé ce chameau c'est Arlam Azir. C'est le plus fort chameau de Tassilé des Azir. Lorsqu'on circule dans le désert, rencontre-t-on des ponts pour traverser les rivières? À partir de cette question anodine de Michel Cartier, école de plein air de Chanteloup, M. Gast, instituteur à Tamanrasset dans le Haut-Gard, nous a fourni des renseignements passionnants pour nous Européens sur ce fleuve mystérieux qu'est l'Oued. Ici, les rivières et les fleuves sont des cours d'eau qui coulent constamment. Là-bas, il n'y a pas de ce qu'on peut appeler de rivière ou de fleuve, ce sont des lits d'Oued, mais l'Oued est toujours sec. L'Oued coule toujours en période de crue seulement. Donc il n'y a pas de pont. On passe dans le lit d'un oued à travers le lit, qui est en général très plat. Quand la route est obligée d'accéder au-dessus d'une gorge, il y a des petits ponts. C'est simplement un passage au-dessus d'une gorge qui est très court. En général, dans le Sahara, il n'y a pas de pont. Ce sont des guets, si tu aimes mieux. Des passages à guets, mais alors des guets à sec. Quand l'oued coule, on ne passe pas, on attend. Ça peut durer des journées. Ça dure quelquefois des semaines. Les camions restent de l'autre côté de l'oued et attendent. Mais ils sont en général prévenus à l'avance. Par exemple, il a plu dans le Haut-Gard, l'oued a coulé 8 jours. Je suis à Paris, je l'ai su. Un transporteur qui part d'Alger va jusqu'à Gardaïa parce que la route est facile, et à partir de Gardaïa, il se renseigne sur l'état de la piste et sur le climat qu'il y a eu dans l'autre pays. Et on renseigne toujours un chauffeur, on sait toujours ce qui se passe. S'il a beaucoup plu, il attendra. Et il est déjà arrivé qu'un chauffeur qui roule dans le lit d'un oued et puis que tout à coup il y a un orage et que l'eau elle monte. C'est assez difficile, ceci pour un camion, parce que quand il pleut, le camion ne va pas s'amuser à traverser un lit d'oued. Le camion va se dépêcher d'accéder à un terrain dur pour se mettre à l'abri, en sécurité. Maintenant, il arrive quelquefois qu'un camion veuille traverser quand même un lit d'oued, embourbé, et il reste. Il reste embourbé jusqu'à la moitié. Ça dépasse le pont, ça embourbe le moteur. On est obligé d'aller chercher d'autres camions, des treuils, de le tirer de là. C'est très difficile parce que cette boue est semblable à de la glu, ça colle, ça aspire. Et si on laisse le camion là-dedans, avec la boue séchant, on ne peut plus le sortir, ça devient dur. Il faudra faire une fosse, énorme. Mais un oued, quelle est la largeur à peu près d'un oued? Ça dépend, il y a des oueds qui sont extrêmement étroits, ça atteint jusqu'à 30, 40 et 50 km de large. 50 km? Oui. Kilomètres? Oui. Dans le Tanezroft, sont les bassins de dépendation des oueds. L'oued, c'est un fleuve fossile, comme l'oued Irarar, qui traverse presque la moitié de l'Afrique. L'oued Tamanrasset s'en va dans le Tanezroft. C'est une embouchure fossile. Les eaux, quand elles arrivent à cette région-là, sont perdues, dans le fond. Comme un lac, alors, un lac de boue que ça forme, alors, quand ça a coulé? Non, il n'arrive même pas à tirer de la boue. C'est du sable. C'est un terrain tellement sec et stérilisé qu'il n'y a plus de boue à ce moment-là, dans le temps des trophées. Plus moins dans la bouche. Mais alors le camion, c'est quand même un seul mouvant, quand même, alors, à ce moment-là. Quand il est mouillé, oui. Oui, quand il est mouillé. Mais le camion attendra que le sol soit complètement sec. Et ça peut demander longtemps, par exemple, après une pluie. Oui, il est arrivé, par exemple, il y a 4 ans, il y avait une demi-douzaine de camions bloqués aux gorges d'Arak, parce qu'il fallait traverser l'ouest d'Arak dans les gorges. Et ils sont restés, je crois, 15 à 20 jours. Il a fallu les ravitailler, les autorités ont été alertées à Tamanrasset, à Insalla. On a envoyé des camions dépanneurs et on a assisté ces gens-là. Il y avait des femmes, des enfants, il a fallu les coucher, s'occuper d'eux, leur apporter des ravitaillements. Ça arrive quand même très rarement. Oui. Et la profondeur à peu près d'un loued ? Eh bien, comme je te dis, loued, c'est un lit sec. Il n'a donc pas de profondeur. Seulement, c'est quand même une notion intéressante, cette notion de profondeur. Parce que, je te dis, loued coule en surface quand il y a des crues seulement. Mais cependant, dans le fond de ce lit, en profondeur, il y a de l'eau. Cette eau est différente, est à une profondeur différente selon les cas, selon le relief du fond, selon la nature des couches géologiques. Mais ce sont des terrains perméables, eh bien, l'eau descend jusqu'à temps qu'elle trouve un sol imperméable. Un sol imperméable. Ainsi, quand il y a une arête rocheuse qui barre le lit de l'ouette, ça amasse de l'eau en souterrain, et cette eau ressort, ça fait une résurgence qui coule au-dessus de cette arête rocheuse. On peut creuser à la main des petits trous, on trouve de l'eau à 20 cm. C'est ce qu'on appelle la bancore, les Touaregs s'alimentent dans ces trous d'eau, et abreuvent les troupeaux aussi. Alors, ils savent donc, il faut qu'ils creusent, puis alors l'eau monte alors. Oui. L'eau ne monte pas, mais l'eau est là. Elle arrive, quoi. On creuse de façon à trouver le niveau de l'eau dans le lit sec de l'ouette. Vous avez précédemment entendu M. Gast, instituteur à Tamanrasset, nous parler d'une liaison automobile entre cette oasis et Alger. Il répond maintenant à nos questions sur quelques animaux du désert. Oui, il y a beaucoup de gazelles. Je crois avoir envoyé des cornes de gazelle. Oui, ici, je crois. Oui, il y en a des cornes de gazelle dans la Il y a beaucoup de gazelles, oui, mais les gazelles ne s'approchent pas des centres habités par les hommes. Les gazelles courent les grands regs. On se demande d'ailleurs comment elles font pour se nourrir. Et il y a des troupeaux de gazelles sur des grands regs, de grands regs nus où il n'y a absolument rien à manger. On prend la gazelle à la course en auto ou bien à pied, mais il faut être un excellent chasseur. Il faut marcher à quatre pattes pendant 10 km. Et c'est très pénible, surtout en portant son fusil. Mais il me semble que l'an dernier, tu m'avais raconté comment les jeunes garçons faisaient la chasse aux gazelles lorsqu'il faisait extrêmement chaud. Ah oui, dans les déserts de sable. Dans les déserts de sable, alors oui, ce n'est pas au pareil. Au sud de Tamanrasset, au Tamesna, oui. Parce qu'il fait très chaud, les 48-50 à l'ombre. Sont fréquents. Oui, sont fréquents. Ça fait quelle température du sol, du sable ? On peut cuire un œuf. Cuire un œuf ? En quelques minutes, très facilement. C'est bien simple. Le chameau lui-même, certains jours, ne peut pas sortir, ne peut pas marcher sur le sable. On est obligé de lui mettre des semelles de cuir, oui. Sous chaque patte. Pour lui permettre de marcher. Des chaussures, quoi. Des chaussures. Et les jeunes garçons, là, ils ont des chaussures assez Oui, les jeunes garçons ont des chaussures de cuir, aussi, et prennent à la course, en chasse, des gazelles. Cette gazelle qu'ils trouvent toujours à l'ombre d'un arbre, d'un épineux, c'est une ombre théorique, une ombre pâle, disons. La gazelle est obligée de se lever, de se sauver, mais elle est prise par la chaleur du sol, ses ongles fondent, ramollissent et tombent. Elle a les pattes ensanglantées. Et c'est comme ça que l'enfant arrive à l'attraper. Et elle sèche très vite parce qu'une course lui fait perdre beaucoup d'humidité. Elle a soif, elle meurt par épuisement très rapidement. C'est l'histoire d'un quart d'heure, une demi-heure, c'est tout. Il y a une perte ainsi, un dessèchement de l'individu, oui. Bien sûr. L'animal se dépense, il y a une consommation de vapeur d'eau, une consommation d'eau immédiate, et qui est accentué par la chaleur. Alors, c'est exactement pareil pour les grandes personnes, pour les humains, quoi. Ah, oui. Dès qu'ils forcent un peu, immédiatement, ils s'épuisent un peu plus rapidement. Alors c'est... Quand il fait très chaud, on ne sort pas. Et quel genre d'animaux domestiques avez-vous à Taman Rasset? Comme animaux domestiques, dans la vie sédentaire, c'est comme partout, ce sont des chats et des chiens qui viennent la plupart de l'extérieur. Il y a bien des chiens slougis, les slougis sont des chiens qui ressemblent aux lévriers, qui sont un peu plus petits, qui sont excellents coureurs, mais ce sont des chiens nomades. Chez les sédentaires, il n'y a pas de beaucoup d'animaux appartenant au pays. Parce que d'une part, il faut les nourrir, ces animaux-là. Oui, mais il y a pas mal de chiens quand même. Oui. À Gardaïa, il y en a moins parce que les gens mangent les chiens. Ils mangent les chiens? Les chiens, ça se vend bien. Tandis que ils mangent les chats. Oui. Mais c'est une salade. Mais pour par manque de viande, bien alors. Par manque de viande. Cause religieuse, par exemple. Et puis peut-être qu'au départ, à l'origine, il y a une raison magique. Oui. Cependant, les mangeurs de chiens, comme les mangeuses de chats, sont des gens qui se défendent d'en manger. On fait toujours ça en secret. Ça n'est pas public. Avez-vous vu des poissons de sable, s'il vous plaît? Ça dépend ce que tu appelles des poissons de sable. Est-ce que ce sont des animaux qui marchent dans le sable ou des animaux qui marchent dans l'eau? Des animaux qui marchent dans le sable. Oui, alors les poissons de sable, ce sont des petits lézards blancs à écailles beige clair, avec le dos blanc, qui sont très lisses, qui sont en effet en forme de poisson, avec des pattes très courtes sur les côtés, qu'on trouve dans les dunes de sable, dans le désert. J'en ai vu dans l'Oued Souf, dans le sud constantinois, on les appelait les Cherchman, et les enfants reconnaissaient très bien les traces sur le sable de ces petits lézards. Ils plongeaient leurs mains dans le flanc de la dune, et au bout de quelques minutes, tiraient toujours ce lézard, qu'ils égorgeaient, suivant les rites du Coran. Vous savez que des savants, que l'on appelle des géophysiciens, vivent sur les banquises du pôle Nord ou du pôle Sud afin d'observer la Terre et le ciel en ces lieux. À Taman Rasset, il existe également un observatoire. C'est que dans le Hoggar, sous le tropique du Cancer, il se passe des phénomènes curieux. Mais à quelle altitude est Taman Rasset? Taman Rasset est à 1375 mètres. D'altitude, en plein désert, dans un pays déjà très sec, l'altitude augmente encore sa sécheresse et donne des phénomènes électriques particuliers qui fatiguent d'ailleurs le système nerveux des individus et qui conditionnent toute la vie. Un objet qui ici est souple, là-bas devient cassant, raide. Le papier, par exemple, c'est cette feuille de papier que vous pouvez tourner, froisser entre vos doigts, cette feuille de papier devient cassante, comme du carton. Les colis deviennent difficiles, on ne peut pas plier le carton, il casse. Le bois aussi se dessèche et se tord, le bois travaille énormément. Des portes qu'on importe d'Alger arrivent complètement faussées, là-bas. Et au point de vue électrique, on a constaté avec des appareils de mesure qu'il y avait à certains moments une différence de 30 volts entre la tête et les pieds d'un même individu. Quand on se passe la main dans les cheveux, on provoque des étincelles dans sa chevelure. Quand on secoue une couverture ou un burnous, ça fait aussi quelques étincelles la nuit. Il est même arrivé à un homme qui se promenait avec sa femme, de s'approcher d'elle à 15 cm des deux, a jailli une étincelle entre les bouts de nez, qui les a beaucoup effrayés d'ailleurs. C'était à cause de l'électricité statique dont ils étaient chargés par un soir d'orage. Donc, ces étincelles font l'effet d'un picotement semblable à celui qu'on a sous la langue en suçant en touchant une pile électrique. Mais ça risque pas de mettre le feu aux cheveux. Ah non, pas jusque-là, non. Ça n'est pas assez puissant pour en arriver là. On dit que dans le désert, des hommes assoiffés voient des mirages. C'est sur ce sujet que nous avons interrogé M. Guest, qui est instituteur à Tamanrasset. Alors, là-bas, à Tamanrasset, est-ce que les mirages sont fréquents? Et en avez-vous subi? Oui, les mirages sont fréquents quand on marche dans le désert par des journées ensoleillées sur des terrains plats. Mais vous pouvez voir des mirages ici sur la route bitumée. Par les journées ensoleillées, c'est pareil. On voit des mirages à 150 mètres sur la route en se promenant en voiture. Et même que l'on soit lucide, on a quand même des mirages. Ah, mais le mirage, ça n'est pas un phénomène psychologique. Le mirage, on ne l'a pas dans la tête. Le mirage, on l'a dans les yeux. C'est un phénomène qu'on explique physiquement par l'optique. C'est une réfraction de la lumière. C'est une condensation de la lumière. Quand on était dans le désert, qu'on n'avait pas bu, et ben on avait des mirages. Ah, tu veux parler, tu confonds deux phénomènes. Tu confonds le mirage avec l'hallucination. Tu veux parler de celui qui a soif et qui croit voir des gens, qui croit voir une oasis et qui se trompe. Oui, c'est une maladie. C'est une hallucination. Un individu, quand il est trop fatigué et qu'il a besoin de quelque chose, il a marché 50-80 km, il commence à avoir des phénomènes mentaux qui sont différents du phénomène physique qu'on appelle le mirage. Le mirage, c'est vu par n'importe qui, par une personne normale, tandis que l'hallucination, c'est quelque chose qui se passe uniquement dans l'esprit de celui qui est malade. C'est une maladie. Ça arrive souvent dans le désert en particulier, pour qui tente justement cette expérience de solitude et avec en plus la résistance physique que cette vie demande. Je n'ai pas eu personnellement de phénomène hallucinatoire, mais on entend au bout de très peu de temps, quand on vit seul, des voix. On entend s'appeler par son nom. On s'entend appeler par son nom. Et ensuite, quand on pousse encore cette solitude, on voit des phénomènes. Le soir, détaché sur une montagne, on voit une ombre, on voit quelque chose se promener et on est persuadé que c'est un individu. Avec les voix qui appellent, on croit découvrir un monde nouveau que les autres humains n'arrivent pas à voir. En fait, ce n'est pas un monde nouveau, ce sont des phénomènes mentaux. Ce sont des choses qui se passent dans l'esprit de l'individu, dans la tête, et qu'on projette vers l'extérieur. J'ai un ami qui a fait 3 ans de solitude comme ça. Il a eu la chance d'avoir un petit chien avec lui constamment. Et c'est comme ça qu'il a vu que c'était des hallucinations. Il s'entendait appeler et le chien ne réagissait pas. Il se disait donc, c'est faux. C'est faux, oui. Personne ne m'appelle, puisque le chien ne bouge pas. L'animal était dans le fond le test qui lui permettait de voir si... De voir entre l'oiseau réel et puis les choses qu'il inventait. Si c'était un phénomène mental ou une réalité. De même que les ombres, un animal qui ne réagit pas, eh bien il n'a pas d'ombre, c'est pas vrai. Dans le désert, un animal est très vif. Sur les lettres que les élèves de l'école de plein air de Chanteloup reçoivent de leurs correspondants, Brahim Ben Aïmouda ou Mohamed Ben Kada disent qu'ils se lèvent à 5 heures du matin avec le jour. Bien sûr, il n'y a pas d'électricité à Tamanrasset et c'est le soleil qui règle la vie. Mais avant la rentrée des classes du matin, les enfants se rendent à l'école coranique. Le Taleb, le maître de l'école coranique, fait écrire et réciter le Coran, recueil des règles de vie des musulmans. Cela Mohamed nous récite quelques versets. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din. Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر النفاثات والعقد من شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. Monsieur Gast, instituteur à Tamanrasset, vous a déjà parlé des troubles, hallucinations, mirages que subit l'homme seul dans le désert. Vous avez déjà entendu à la radio ou lu dans un magazine que des hommes se sont perdus. Monsieur Gast nous raconte une de ses aventures dans la région du Caire. L'impression la plus terrible qu'on peut avoir, c'est l'impression de se sentir perdu dans un désert. On frise la folie très rapidement. Et on est capable de faire un tas de sottises qu'on ne ferait pas du tout à sang-froid. Faut D'abord, pas y rester trop longtemps. Il faut pas y rester trop longtemps, oui. Mais une journée de voyage, quand on a chaud, quand on a soif, quand on a faim, quand on ne reconnaît plus sa route, quand on croit s'être perdu, quand le chameau refuse d'aller dans certains sentiers et qu'on ne reconnaît plus le sol, on devient vite nerveux. Et on s'use bien davantage, justement en se laissant aller à ce désarroi, plutôt qu'en résistant aux difficultés physiques et climatologiques. Ouais, il faut avoir un rôle de caractère. Oui, il faut reprendre son sang-froid, voir les choses d'une façon claire et logique, essayer de reconnaître le terrain, ou alors, si on ne reconnaît plus, revenir sur ses propres pas. Il y a différentes façons de se perdre. C'est de faire seul un chemin qu'on ne connaît pas, en plein jour, de se perdre dans des dédales de montagne ou de se perdre sur un terrain plat, de se perdre dans une forêt d'épineux ou de se perdre dans un pâturage de girgire sur un terrain plat, ou alors de se perdre la nuit. Oui. La nuit par nuit noire ou la nuit par clair de lune. Et c'est la nuit par clair de lune qui est la plus traître. C'est comme ça que se perdent les gens du pays. Ils partent à la recherche. Il leur arrive aussi de se perdre. Ah, il y a des hommes qui meurent de soif presque chaque été. Malgré leur habitude. Malgré leur habitude. Parce que voilà comment que ça se passe. L'homme part la nuit au clair de lune, chercher un chameau, une chamelle, ou aller, va vers un point d'eau. Il ne retrouve pas. Il suit la bête à la trace, oui, sur le sable. Ces traces sont plus ou moins difficiles à saisir, ça l'emmène loin. Le jour se lève, il se trouve dans un endroit qu'il ne connaît pas beaucoup ou pas, et il n'a pas encore retrouvé son animal. Les traces sont plus ou moins emmêlées, il a fait de nombreux kilomètres, il est loin de son campement. Il croit atteindre son animal, le soleil chauffe, commence à chauffer. En général, il est parti pour peu de temps. Il ne prend pas d'eau. Un homme qui va chercher un chameau à la trace ne prend pas d'eau, ne prend pas de nourriture avec lui. S'il insiste à chercher ce chameau, il est pris par la chaleur du jour. Il se dessèche. À la fin de la journée, c'est un homme mort. S'il n'est pas arrivé à retrouver un campement. Alors le mieux, c'est de faire d'abandonner. De revenir sur ses pas. De revenir sur ses pas. Mais en général. L'homme revient difficilement sur ses pas. Il croit arriver. Bah bien sûr. Il croit retrouver un campement. Il devait retourner, mais peut-être le chameau est là ou le point d'eau est là. Et c'est avec cette espérance qu'il arrive à se perdre. Et combien il y en a à peu près qui meurent comme ça chaque été? Ça, c'est très difficile à dire parce que on ne peut pas exactement, on n'établit pas de contrôle. Mais chaque été, il y a peut-être, il arrive peut-être un ou deux accidents comme ça entre le Hoggar et le Soudan. Oui, c'est quand même pas journalier. Non, ils ont quand même une bonne habitude. Alors, c'était dans quoi? Un désert de sable ou de pierre qui était un moment. Eh bien, ça m'est arrivé dans les deux. Ça m'est arrivé dans un terrain plat de sable où je devais traverser une espèce de forêt d'épineux. Alors, dans une forêt d'épineux, on n'a aucun point de repère. Même parce qu'ils sont plus hauts, plus élevés que non, ils sont tous à la même hauteur, mais tous les points se ressemblent. On n'a plus de point d'orientation. On n'a que la courbe du soleil pour essayer de corriger son orientation. Et alors dans un désert de pierre, J'étais entré dans un dédale de petites montagnes qui étaient toutes pareilles à elles-mêmes. J'avais voulu prendre un raccourci entre deux points. Et à l'heure donnée, où je devais déboucher dans l'endroit vers lequel j'allais, je n'arrivais pas à trouver cet endroit-là. J'en étais pas loin, mais je commençais à désespérer. Alors, au lieu de garder ma direction, j'ai changé de direction. C'est là le tort que j'ai eu. Je suis allé dans l'autre direction et je me suis reperdu. Il a fallu que je revienne sur mes pas. J'amenais mon chameau, je tirais mon chameau à la longe derrière. Mon chameau qui ne voulait pas me suivre, je l'ai amené dans des coins à se casser les pattes. Le chameau se faisait tirer de plus en plus, ne voulait pas avancer. Ça m'énervait d'autant plus que je devais me porter et porter le chameau en même temps, tirer le chameau. Il faisait tard et je n'étais pas arrivé au jardin qui m'attendait. Alors comment ça s'est terminé? Et ça s'est terminé quand même bien parce que j'avais des points de repère à l'horizon, à droite et à gauche. J'avais deux grandes montagnes que je connaissais et je savais, j'ai fait quand même, j'ai essayé de me maîtriser et j'ai essayé de raisonner, de faire appel à mon bon sens. Je savais qu'entre ces deux montagnes, au milieu, je trouvais des habitations. Après être revenu sur mes pas, j'ai repris la direction en plein milieu. Je suis arrivé à l'endroit indiqué. Alors avec beaucoup de retard, là? Avec du retard, oui. En pleine chaleur, j'avais chaud, j'avais soif. J'étais content parce que j'avais vaincu la difficulté. Et mon chameau était arrivé indemne parce que j'avais bien manqué de lui de laisser les pattes brisées dans un ravin quelconque. Tout est bien qui finit bien. Et M. Gast et ses élèves auront encore le loisir de nous faire parvenir d'autres enregistrements qui nous permettront de mieux connaître la vie quotidienne dans ces régions. Kasmi, qu'est-ce que tu vas nous chanter quelque chose ou est-ce que tu vas nous réciter quelque chose ou en français ou en arabe, je ne sais pas. Chantez-moi. Tu vas nous chanter quelque chose. Bon, alors tu vas nous dire ton nom et puis après tu vas chanter. Oui. Je m'appelle Kasmi Ahmed. Ah, les enfants vont chanter avec toi. Bon, allez, commence à chanter. أحبابنا يا عيني إمام معانا أحبابنا يا عيني إمام معانا راحوا وراحوا عنا لو أحد فينا يتهنى وراحوا عنا لو أحد فينا يتهنى عيني يا عيني عيني يا عيني إمام معانا أحبابنا يا عيني إمام معانا أحبابنا يا عيني إمام معانا رحنا وراحوا عنا لو واحد فينا يتهنى رحنا وراحوا عنا لو واحد فينا يتهنى عيني